que ce soit shahada, que ce soit salat, que ce soit zakat, que ce soit hajj, celui qui fait du shirk akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres. On a cité cette parole de Cheikh Sulayman, awwalan, parce qu'il cite l'ijma', l'unanimité des savants, personne n'a le droit de contredire. Thaniyan, parce que l'amr, il est muhim. Ça ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention au shirk. Et shirk, il est propagé jiddan à notre époque. Qala, faman ata bihima haqiqatan. Ou qala, on a khtasir, wa mujarrad al-talaffud bil-shahadatayn la yakfi fil-islam bidoun al-amal bima'naha wa a'tiqadihi ijma'an. L'unanimité des savants, on a prononcé la shahada, c'est pas suffisant. Prononcer et l'appliquer. Un mawahid qui prononce et il égorge pour autre qu'Allah, il va voir les sorciers. Son fils, il est malade, il va voir un wali. Ahada ashraka billah. Il fait du shirk billah azza wa jal. Ahada, ces a'mal, ils sont pas acceptés indallah. Tant qu'il ne délaisse pas ce shirk, il fait tawbah. Et s'il meurt à l'ahada, il est à la khatar. On précise bien sûr, quand on parle de Foulan, c'est pas un musulman. Nous, on parle min hayth al-umum. Amma un tel qui fait telle chose, hada, ça revient à ahl al-ilm. Khassatan, s'il dit que c'est un musulman, nous, là, on est ta'jil fi hada. Lianna ba'd an-nas, rubbama yukaffirun un tel, parce que pour eux, il fait du shirk, ou il fait kaba. Et inda at-ta'ammul, rubbama, si c'est wahid qui connaît pas le tawhid, rubbama yasta'jil et kaffar son frère. Alors que son frère, il avait besoin d'une nasiha, d'un bayan, faqat. Hada, ça revient à ahl al-ilm, mas'alat al-takfir. Kadhalik, Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il a cité l'unanimité fi al-durr, al-saniya, qala, rahmatullah alayhi, wa ajma' al-ulama, salafan wa khalafan. Aïe, les anciens, parmi les salaf, et les contemporains. Aïe, à l'époque de Cheikh Abd al-Rahman. Qala, min al-sahaba wa al-tabi'in wa al-a'imma wa jami' ahli al-sunnah, anna al-mar, لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. C'est exactement les deux points qu'on a cités. أن الإنسان ça devient un مسلم s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il s'écarte du shirk, il déteste le shirk et il déteste les mushrikins. هذا ça devient un مسلم. Et on a cité le verset فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نكتفي بهذا القدر. Alors résumé de ces deux points de ce cours, anna hada din al-azim, il est fondé sur des bases, et parmi ces fondements, ben le fondement de ce din, asluddin wa qa'idatuhu, c'est la base principale de ce din, tout le reste est fondé sur cette base. As-salat wa siyam wa zakat wa le bon comportement, dhikr, tout ce qui vient après c'est fondé sur cette base. Et cette base, Cheikh al-Islam il te la résume en deux points. Le premier, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la sharika la. Donc, al-amal. Adorer Allah seul. Wa tahridu ala dhalik. C'est encourager, appeler à hada. Al-hathu. Wa al-muwalatu fih. Kadhalik, ce point qui est tawhid, unifier Allah dans l'adoration, on doit aimer ceux qui l'appliquent. Et on doit avoir cette conviction, celui qui a délaissé le tawhid ou qui contredit le tawhid, c'est un kafir. Et on précise par rapport au takfir, min hayth al-umum. Amma at-tafasil, tout ce qui est par rapport au mu'ayyin ou al-udru bil-jahl il-akhiré, c'est des autres choses, c'est des autres points qu'on ne détaillera pas ici. Et nasiha li-ikhwanina, tout ce qui est lié au tabdi', au takfir, à hadhihi al-umur al-azima, de revenir à ahl al-ilm. Nous, on est des débutants fi al-ilm. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ce point, il n'est pas sahl. L'anna dire de son frère c'est un kafir, ça implique des choses très graves. Anna aussi meurt, il n'est pas enterré, on ne fait pas salat sur lui. S'il a délaissé un héritage, ses enfants, ils ne le touchent pas. Anna aussi meurt, il est finnar, il a akhiré. Fa al-mas'ala al-azim. On n'ouvre pas le bab à tout le monde. Fi hada. Ba'd an-nas yaqulun mal al-mas'ala al-wadhiha. Si elle est wadhiha, cite-nous la parole d'un savant. Et Alhamdulillah, on prend tous la parole d'un savant. Mais ta parole, anta akhil karim, elle n'a pas de poids. Et la mienne, kadhalik. Sahadi al-masa'il, on revient à ahl al-ilm. Ba'd an-nas, rubbama, ils sont touchés par hada. Son père, mathalan, il est mort et il faisait du shirk, ou sa mère, mathalan, elle faisait kadha. Nous, on a dit qu'il détaille son cas et il demande à ahl al-ilm. Hatta al-umur, elles sont wadihas. Deuxième point, al-inzaru an shirk fi ibadatillah. C'est le contraire du premier. Aïe, c'est une mise en garde contre le shirk. Ce din, il n'accepte pas shirk fi l'ibada. Ou la firrububiya, ou la fil asma ou sifat. Lakin al-ulama cite fi al-ibada, li'annahu, c'est ce qui est propagé. Amma al-rububiya, on a dit, akthar al-nas, ils le reconnaissent. Wa al-taghlidhu fi dhalik. Ça montre, là, ce sujet, il n'est pas à prendre à la légère. Al-taghlidhu fi dhalik, c'est grave. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoola. Et la chose la plus grave, c'est le shirk. Enfin, le mu'min, il n'aime pas ceux qui font du shirk. Même si c'est un proche, même si c'est un père, même si c'est une mère, il ne l'aime pas. Fillahi azza wa jalla. Par rapport au din, il le déteste. Li'annahu c'est un mushrik. Donc, al-mas'ala li'a azim. Qala wal mu'adatu fi. Al-mu'ada, on a dit, c'est fondé sur détester et éloigner. Al-muslim, il n'aime pas al-mushrik. Et il ne rapproche pas al-mushrik. Quand il dit qu'il dit, lakin, si c'est un père, si c'est une mère, si c'est un proche, tu as un bon comportement. Et il y aura des liens, un amour par rapport à ce lien. Al-nahu, c'est un proche. Il n'y a aucun mal fi hada. Asma, radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère c'est une mushrika, et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle continue à la voir, avoir un bon comportement? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, naam, ça c'est la shakavi, elle a le bon comportement et ad-da'wa, lakin dans le cœur, s'il fait du shirk, c'est un nasrani, c'est un yahoudi ou autre, alors, on doit le détester, sans désespérer, et bien sûr ad-da'wa. Da'wa, ce père, cette mère, si, Akhil Karim, tu lui fais da'wa et tu lui montres et tu as la bonne méthode et tu fais du'a, ben ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulli shay'in qadir. Wa takfiru man fa'ala. Le premier, c'est takfir man taraka, c'est celui qui délaisse le tawhid, et le deuxième, takfir man fa'ala, c'est celui qui fait, c'est ash-shirk. C'est un kafir. Billahi azza wa jalla. Naktafi biha al-qadr. Révisez ces deux points. Et inshallah le prochain dors on continue et on révisera ces deux points qui sont très très importants. Hayyakum Allah. Les références, le kalam que j'ai lu, n'am kathir minhu il est fi ad-durar as-saniya. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka.